Trois minutes plus tard, Monroe s'arrêta devant une maison ancienne, l'une de ces architectures typiques de la Nouvelle-Angleterre. Il lâcha un soupir presque douloureux qui libéra quelque peu la tension qui s'exerçait sur son plexus depuis son entrée à Purgatory. Enfin un endroit qui n'avait pas changé. Tout n'était peut-être pas perdu. Eddie Colson, le vieux Forban, avait rénové sa clôture à l'aide de la peinture verte que son père et avant lui son grand-père utilisaient autrefois. La fenêtre de droite était toujours en biais et le banc extérieur n'avait pas bougé d'un pouce. Le temps semblait s'être arrêté ici, entre les limites de ce jardin dont Monroe reconnaissait chaque plate-bande. Colson apparut soudain sur le pas de la porte comme s'il passait ses journées à guetter les passants derrière les rideaux du rez-de-chaussée. Mais peut-être était-ce exactement ce qu'il faisait. Son sourire creusait une ride supplémentaire sur son visage déjà crevassé de toutes parts. Il s'avança les bras tendus. « Monroe, dit-il, foutu vaurien, qu'est-ce que tu viens foutre ici après tout ce temps ? Tu vas essayer de fourguer la maison de tes parents ? Tu n'en tireras pas grand-chose, c'est presque une ruine. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des bâtisses autrement confortables. Bon sang ! Les années ne t'ont pas rangé. T'as l'air d'un sergent de Marines qui aurait dormi 20 ans sans enlever son uniforme. » George hésita, décontenancé par la gueule délabrée de son ancien camarade de collège. Comment avait-il pu devenir si vieux en si peu de temps ? S'était-il laissé aller ? Oui, ce devait être ça. Un certain manque de volonté, un amollissement de l'âme et du corps, l'une de ces débâcles qui font de vous une victime. « Il ne m'a fallu que 2 secondes pour te reconnaître, » insista Colson. « Malgré tes rides et ton crâne chaud, toujours la même gueule de bulldog. Faut dire que t'avais déjà l'air vieux quand t'étais gosse. Alors, de retour au bercail ?»« Si on veut, » marmonna George mal à l'aise. « Je suis avec ma fille. Je l'ai laissée au musée folklorique, je voulais te parler seul à seul. » Les deux hommes s'assirent sur le banc comme ils l'avaient fait tant de fois jadis. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel en ville ?» attaqua George, incapable de se contenir davantage. « Quel bordel ?» s'étonna Colson en levant les sourcils. « De quoi parles-tu ?»« Tout, quoi ?» s'embrouilla Monroe, qui ne savait par où commencer. Dans une sorte de flot incontrôlable, il s'étonna pêle-mêle de la vente de l'alcool et des cigarettes, de la tenue des femmes qui se promenaient les seins au vent. « Ça, George, c'est la vie, » répondit Eddie Colson, trahissant une stupeur incrédule. « Le monde a évolué depuis ton départ. Bon sang, il y a si longtemps que tu as fichu le camp. » « Mais souviens-toi de nos projets, Octa Monroe. Garder la cité honnête et travailleuse. Ce n'était pas que des mots, tous étaient d'accord. Nous avions prêté serment. Cette ville ne respire plus l'honnêteté, le travail, la foi. Les rues ne sont même plus propres. J'ai vu voler des papiers gras. Qu'est-ce que vous avez fichu, nom de Dieu ? Vous avez baissé les bras, c'est ça ? Dès que j'ai eu le dos tourné, vous avez capitulé. Et toi, Georges, qu'as-tu fait, à part t'en aller ? Soupira Colson, agacé. Tu te repointes 20 ans après pour jouer l'inspecteur des travaux finis ? Eh, tu déconnes ou quoi ? Il s'énervait. Une étincelle de curiosité inquiète s'alluma dans son regard et il se mit à examiner George comme s'il s'agissait d'un spécimen exhumé d'une roche fossile. Il dit d'une voix paisible de vieux sage : « Tu reviens 25 ans plus tard et tu demandes des comptes ? C'est terminé ce temps-là, mon bonhomme. La justice officielle est arrivée jusqu'ici. On ne règle plus les conflits entre nous, selon notre propre code, comme jadis. Le dieu terrible qui brandissait la foudre, les anathèmes, on l'a rangé au magasin des accessoires. Les jeunes s'en foutent. Le tribunal secret qui se réunissait la nuit, dans les clairières, c'est du passé. » « Bon, d'accord, » coupa George Monroe. Mais tu comprendras que j'en reste sur le cul. Je n'ai reconnu personne. Où est passée toute la vieille bande? Matheson, Lancet, Grandal et les autres. Mort prématurément, murmura Colson. En fait, il y a eu une série d'accidents malheureux. Des décès à répétition qui ont décimé le clan, peu à peu. C'était comme une sorte de malédiction. Ça tombait à date fixe, pour l'anniversaire de l'incendie, si tu vois ce que je veux dire. L'un était écrasé par son tracteur, l'autre dégringolé d'une échelle, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on en est venu à parler de sortilège. Toi, tu as sans doute été épargné, parce que tu as été assez malin pour prendre le large. Georges baissa la tête de plus en plus gêné. Et toi, se décida-t-il à demander, pourquoi ne t'est-il rien arrivé? Moi, je ne me suis jamais senti menacé, répondit doucement Colson. Je n'ai jamais vraiment pris part à vos réunions. Tu te rappelles? Vous me l'avez d'ailleurs assez reproché à l'époque. C'est quoi cette histoire de malédiction, aboya Georges? Tu veux dire qu'il ne s'agirait pas de vrai accident? Tu vois, fit dit Colson avec un rire triste. Tu n'as pas changé, toujours la tête près du bonnet. Je ne peux pas te répondre, je n'en sais rien. Ce ne sont que des suppositions, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas empêcher les souvenirs de remonter à la surface. On est malgré soi amené à faire certains rapprochements, même si on les sait stupides. Je veux juste te dire que tu es le dernier survivant de cette nuit-là. La nuit de l'incendie, quand ces femmes... Il parlait très bas, égrenant son murmure avec parcimonie. « Il est vieux, » décida George Munro en cessant de l'écouter. « Il radote. Il s'est laissé couler. »« Je suis revenu, Eddie, » dit-il en se redressant. « Et tu peux me croire, je vais m'arranger pour tout reprendre en main. Les gens sont retombés dans la fange. Ça ne peut pas durer. S'il faut tout recommencer, aucun problème, je suis là. » Il avait attrapé Colson par le bras, ses ongles entrés dans la chair de son ancien condisciple qui se dégagea doucement. « Tu me fais mal, Georges, gémit le vieux. Il n'y a rien de bon pour toi ici. Tu ferais mieux de repartir. Tu vis dans tes rêves. » La communauté n'a pas trop mal évolué, somme toute. Il y a même moins de délinquance ici que dans d'autres coins du comté. Ne t'obstine pas. Tu parles d'un temps qui n'existe plus. Nous ne sommes plus jeunes. C'en est fini des vigilants, des sociétés secrètes, des juges du maïs, des comités de surveillance. Tu as démissionné, cracha Munro avec mépris. Oui, je le vois bien, bon sang, comme tu as vieilli. Et tu crois que je vais rester assis sur mon cul à contempler cette déliquescence? Je suis venu avec ma fille. Je voulais vous la confier. Je comptais sur vous pour la remettre dans le droit chemin. C'est une paumée, la tête farcie d'idées modernes sur l'émancipation des femmes, pervertie par les mauvaises fréquentations, la drogue et le sexe. Il haussa les épaules et tourna les talons. Au moment de franchir la barrière, il se retourna pour esquisser un geste vaguement menaçant à l'intention d'Eddie Colson. Puisque je ne peux pas compter sur vous, je ferai le travail moi-même. Je vais leur apprendre à vivre à ces chevelus. Elle va voir, ma fille, ce que c'est que d'être élevée selon les vrais principes. Elle va payer pour tous ceux de sa génération. Elle n'imagine pas ce qui l'attend. Eddie s'était avancé jusqu'à la balustrade. Il fit un mouvement comme pour retenir Georges, mais son bras retomba. Munro, tu perds les pédales, murmura-t-il avec lassitude. Laisse le passé là où il est, crois-moi. Tout ça est mort la nuit de l'incendie. C'est inutile d'imaginer que tu pourras ramer à contre-courant. Tu es comme moi maintenant, une vieille barbe. Mais Georges ne l'entendit pas. Il était occupé à traverser la rue déserte, petit bonhomme compact dont la chair semblait aussi dure que le caoutchouc dans lequel on coule les pneus des trucks. Le musée ne faisait pas dans l'originalité. C'était un Halloween Center à mille autres pareils. sur la façade en planche, à la peinture pelée, on avait dessiné une sorcière chevauchant un balai. Un chapeau noir jetait une ombre sur son visage, ce qui avait permis à l'artiste local d'éviter d'avoir à peindre les traits de la jeteuse de sorts. Fran songea que ce décor évoquait davantage l'entrée du train fantôme dans une foire que le fronton d'un musée folklorique. À côté de la porte d'entrée, une tête de citrouille ricanait. Un petit malin lui avait dessiné un énorme pétard entre les dents. Les vaines tentatives d'effacement ne faisaient que focaliser le regard sur cet endroit éclairci de la peinture. Franny donna son ticket à l'adolescent préposé à l'entrée. Elle reçut en échange un franc sourire qu'elle qualifia d'emblée de niais. « Je m'appelle Tom et je suis votre guide », annonça l'adolescent déjà gandé, coiffé d'une casquette de baseball dont la visière portait l'inscription « Charles Manson is watching you ». « Si vous voulez bien, commençons par cette vitrine où vous trouverez les objets les plus anciens. » Franny suivait, écoutant plus qu'elle ne regardait. Ici, vous avez les médailles bénites que portaient les femmes désireuses d'échapper aux sorcières, annonçait le jeune homme en récitant un texte tiré d'un dépliant touristique. Les sorcières, elles, portaient des amulettes que vous voyez juste à côté. Mais rassurez-vous, il n'y a jamais de bagarre entre elles, je veux dire, entre les médailles et les amulettes. Elles restent chacune bien sagement dans leur coin. Elles ont été réunies ici pour faire comprendre que ces histoires appartiennent au passé. Cependant, certaines purgatoriennes, c'est ainsi que se nomment les habitantes de notre ville, en portent encore. Ma grand-mère en garde une épinglée à l'intérieur de son manteau, mais elle refuse d'admettre que c'est un talisman. Elle prétend que c'est le cadeau d'un amoureux, un souvenir de la Saint-Valentin. Fran se pencha sur le présentoir. Tout était vieux, sale, sans intérêt. Elle ne voyait que des rondelles de cuivre, de plomb ou de laiton suspendues à des rubans fanés. Les inscriptions étaient illisibles, les dessins incompréhensibles. Le plancher du musée craquait horriblement chaque fois qu'elle faisait un pas. La salle, plongée dans la pénombre, sentait le vieux chiffon. À quelle histoire fais-tu allusion ? S'enquit-elle en cherchant le regard du garçon boutonneux. Certains disent que ce sont des légendes inventées pour faire peur aux gosses et pour attirer les touristes, redouilla le jeune homme en détournant les yeux. Tu vois ce que je veux dire ? Des trucs de sorcellerie, comme partout. Et que disent les autres ? Insista Fran. Tu as dit certains. Ça implique que d'autres pensent différemment. Vaut mieux pas parler de ça, grommela Tom. C'est des histoires de vieux, d'avant l'invention des ordinateurs, quand les vélociraptors habitaient encore Purgatory. Il se dandinait, gêné. Fuyant le regard de Fran, il s'avança jusqu'à un pan de mur, attrapa une longue badine et commenta une carte suspendue à la cloison. Voici les environs, reprit-il d'une voix officielle. Là, le village où nous sommes actuellement. À sa droite, le hameau de Malastru, ce qui veut dire « né sous un mauvais astre » en langage de curé papiste. Il y aurait eu des bûchers dressés dans cette clairière que vous voyez ici, pas très loin du lieu dit. La zone la plus claire. Il tapotait l'emplacement, singeant l'assurance d'un conférencier. « C'était quand ?» interrogea Fran. « Le plus vieux de tous nos vieux ne s'en souvient pas. » répondit Tom en essayant de faire le malin. « Alors, tu vois, ça fait un bail. Pardon, c'était il y a très longtemps. » S'éloignant de la carte, il se dirigea vers un lit recouvert d'une couverture étrange. « Qu'est-ce que ça a d'original ?» interrogea Franny d'une voix boudeuse en désignant la couche. « Oh, on pourrait dire que ce n'est qu'un kilt. Un de plus, lâcha Tom. Mais celui-ci a son histoire. » Dans le temps, un groupe de femmes avait choisi de vivre à Purgatory dans une espèce de communauté à l'écart du village. Des cousins de mon père en parlent parfois. C'était des femmes un peu bizarres. Elles vivaient sans hommes. « Tu veux dire des gouines ? » suggéra Franny, davantage dans l'espoir de choquer son guide que par réel intérêt. Elle en fut pour ses frais. Tom haussa les épaules sans rougir. « Personne ne sait au juste, avoua-t-il. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se vantait d'être herboriste. Elle prétendait pratiquer le Wicca. Un jour, le feu a pris. Pas une n'a survécu. Les flammes s'étaient communiquées aux paquets d'herbes sèches qu'elles entassaient dans l'idée d'en tirer des tisanes ou des filtres d'amour. Il ne reste que ce kilt. Certains voudraient qu'il soit retiré de l'exposition. Il leur rappelle les mauvais souvenirs. Ils appellent ça la nuit de l'incendie. » Fran n'écoutait plus. Elle regardait le patchwork et ne pouvait s'empêcher de le trouver beau. Surtout le motif central, représentant une feuille d'un rouge magnifique, à peine passé en dépit des années. Son guide l'arracha à sa contemplation et l'invita à se pencher sur d'autres vitrines. « Là, les morceaux de fer, ceux qui sont posés sur le velours cramoisi, précisa-t-il. Ce sont les aiguilles qui servaient à piquer les sorcières lors des interrogatoires. À côté, un morceau de corde qui a échappé au feu purificateur. « Ta corde n'est pas si ancienne, » ricana Fran. « Tu me prends vraiment pour une touriste ?» Tom resta muet. C'était la première fois que quelqu'un doutait de son récit. Ne sachant quelle attitude adopter, il passa dans la pièce suivante, toujours flanqué de Franny, une moue dubitative plaquée sur le visage. Voici le balai magique, celui qui a été retrouvé intact au pied du bûcher de celle qu'on surnommait la boiteuse aux yeux rouges, une avorteuse. Ici, vous trouverez la cape du pasteur, celle qu'il portait lorsqu'il arpentait les bois à la recherche des clairières où se réunissaient les servantes du malin. Tom avait repris une attitude professionnelle, peu soucieux d'établir des liens avec cette fille à l'esprit critique. Sa stratégie fut inutile. Deux secondes plus tard, Franny s'esclaffait. « Tout ça a l'air sorti d'une panoplie d'Halloween, lança-t-elle. Qui espères-tu impressionner ? Les gosses qui se rendent à Disney World ? Vise un peu ce balai, et il vient tout droit du drugstore du coin de la rue. Mon père vend les mêmes, là d'où je viens. » Tom se renfrogna. « Tous les gens qui passent ici sont très contents de mes explications, cracha-t-il. Tu n'as qu'à regarder le livre d'or, que des félicitations. Tu n'es qu'une emmerdeuse. Puisque tu es si forte, continue toute seule. Il te reste encore une pièce à voir. » Vexé, il tourna les talons sans ajouter un mot. La voix résonna soudain dans la tête de Fran en un long et douloureux écho. « Pourquoi es-tu odieuse avec ce garçon ? Il y a toujours quelque chose à retirer des vieilles légendes. À ta place, je me méfierais. » La passagère clandestine se décidait enfin à reprendre la parole. Une subite migraine vrilla l'occiput de Franny. « Imbécile !» lui souffla le fantôme. « Tu ne sais pas combien de temps on va devoir rester à Purgatory. Et à peine arrivé, tu te fais déjà des ennemis. Tu n'es même pas capable de prêter attention à ce qui pourrait nous être utile. Tu deviens de plus en plus bête, ma pauvre fille. Tu as vu cette vieille femme en noir à l'entrée de la ville ? Moi, elle m'a fichu le frisson. Ses yeux étaient comme les rayons d'un scanner. Bon sang ! Elle t'a radiographé jusqu'à la moelle des os. » La voix s'éteignit aussi soudainement qu'elle s'était manifestée. Le silence se réinstalla dans la tête de Fran. La douleur à l'arrière du crâne, elle, resta nichée à sa place habituelle, telle la pointe d'une flèche indienne brisée, invisible au commun des mortels. Sur le mur du fond s'adossait un vaisselier que la jeune fille n'avait pas remarqué en entrant. Trois bocaux se trouvaient alignés sur le meuble ciré. Dans celui du milieu flottait un morceau de bois, sorte de carotte mutante ou de tubercule curieusement ramifié. Fran s'approcha. « Encore une ânerie pour Gogo, » pensa-t-elle. Elle posa le nez sur le verre et lut l'étiquette du bocal. Elle avait été rédigée, comme tous les commentaires du musée, en lettres gothiques. Fran éprouva une certaine difficulté à décrypter les lettres tarabiscotées. Finalement, elle articula « Mandragore ». Elle connaissait ce nom, mais avait du mal à le rattacher à quelque chose de précis. Tout en cherchant dans ses souvenirs, elle examina la racine flottant dans le liquide incolore. Elle tressaillit. Ce qu'elle voyait était impossible. Le tubercule avait été finement sculpté avec la pointe d'un canif. On y avait même dessiné un petit visage grimaçant, qu'il a regardé avec méchanceté. Fran retint son souffle. Elle connaissait ce visage. Cette expression coléreuse, c'était son père. Réduit à l'état de gnome minuscule, de lutin, il la scrutait, ses yeux miniatures luisant de haine. S'agissait-il d'une coïncidence? L'adolescente se rappela brusquement que les mandragores étaient censés germer dans une terre aspergée par la semence d'un pendu. Le dégoût la submergea. Elle réussit à détourner le regard et à s'éloigner du vaisselier. Arrivée au milieu de la pièce, elle lança un coup d'œil en direction du présentoir. Son père la fixait toujours, ratatinée entre les flancs de sa prison de verre. Fran entreprit aussitôt de se déplacer à travers la salle. Mais ses semelles, en ébranlant le parquet, faisaient bouger la mandragore dans le bocal. Si bien qu'on finissait par avoir l'illusion que le tubercule démoniaque nageait en cercle afin de surveiller la visiteuse dans chacun de ses déplacements. Franny quitta le musée sans même s'apercevoir que Tom, qui discutait avec la caissière, s'était tu lorsqu'il l'avait aperçue. Une fois dehors, elle jeta un coup d'œil à la recherche d'un siège. Son regard tomba sur la vieille femme en noir entreaperçue aux abords de Purgatory. Elle remontait la rue principale d'un pas lent, indifférente à la poussière jaune que le vent accumulait dans les plis de ses vêtements de deuil. Tom s'approcha de Fran. Il avait l'air narquois. Elle eut soudain peur qu'il ne la gifle. Mais il regardait la paysanne, lui aussi. « Tu vois, » dit-il avec une intonation fielleuse, « tu peux toujours te moquer et jouer les filles de la ville, mais s'il reste une sorcière ici, ce pourrait bien être cette bonne femme. C'est du moins ce que prétendent certains. On la surnomme la mère Shazam, à cause de l'incantation magique, tu sais, Hocus Pocus Shazam, d'autres disent Abracadabra. » À cet instant, d'autres visiteurs sortirent d'une ridicule voiture européenne. Ils semblaient intéressés par le musée. Tom abandonna aussitôt Franny à sa bouderie.